dans un entretien avec les dames de Saint-Louis, en s'insurgeant contre les exigences excessives de certaines enseignantes ou leurs impatiences à l'égard de leurs jeunes élèves, Madame de Maintenon fait appel à leur propre expérience d'enfant. « Mais mon Dieu, dit-elle vivement, ne se souvient-on point de sa jeunesse et combien on s'est ennuyé à l'église, avec sa mère, etc. etc. » Le « on » ici employé, qui englobe donc l'énonciatrice, sans doute pour adoucir le reproche fait aux enseignantes, mais est là aussi pour rappeler que tout pédagogue devrait réactiver une mémoire de l'enfant qu'il fut au moment où, devenu adulte, il s'adresse à l'enfant qu'il prétend éduquer. Cet appel à l'expérience subjective, individuelle de l'enfance, qui devrait donc nourrir l'acte éducatif, est très éloigné, notons-le, du registre sur lequel se construit à l'époque le discours éducatif contemporain, même lorsque chez quelqu'un comme Fénelon, il entend intégrer, donner toute sa place à l'enfant avec ses caractéristiques, ses goûts, ses pulsions. L'enfance du pédagogue lui-même y est rarement convoquée. Se donner autobiographique, convoqué ici comme un élément régulateur de l'acte éducatif, cette mémoire d'enfance apparaît ponctuellement dans les écrits de Madame de Maintenon et principalement dans des entretiens avec les pensionnaires de Saint-Cyr ou avec les dames de Saint-Louis. J'ai donc décidé de prendre au sérieux l'admonestation de l'éducatrice aux enseignantes et je me propose de relire ces scènes d'enfance que Madame de Maintenon livre, en les reconstruisant bien sûr, comme des scènes que j'appellerais primitives, en apportant quelques nuances au terme freudien, emblématiques en tout cas de conceptions éducatives profondes que ne cesseront d'affirmer les expériences conduites depuis la prise en charge des enfants royaux adultérins, les premiers essais, à plus grande échelle et plus collectifs cette fois, de Rueil, puis de Noisy, jusqu'à l'établissement de la Fondation Royale. Quelle expérience et quelle vision de l'enfance ces scènes rapportées à la jeunesse de Françoise d'Aubigné illustrent-elles? Mais également, comment se combinent-elles avec les expériences mondaines de l'adulte dont on a parlé ce matin, vivant au Marais, puis veuve de Scarron, se chargeant d'éducations individuelles, je pense en particulier à celle du duc du Maine, avant d'élaborer justement ses projets d'éducation collective. Ces réflexions peuvent conduire à une autre question. Issue de plusieurs strates d'expériences donc très diverses, cette pratique éducative, dont je souligne qu'elle est largement empirique, peut-elle être modélisée et reproduite ? Puisqu'on a souvent parlé du modèle saint-cyrien. Si des parties de la structure éducative saint-cyrienne, certaines de ses pratiques se sont transmises, dans quelle mesure l'esprit qui avait commandé à leur élaboration était-il susceptible de cette même transmission? C'est donc une question sur laquelle je tâcherai de faire aboutir ma réflexion. Alors, parlons de quelques-unes de ces scènes d'enfance fondatrices. J'appellerai la première la gardeuse de Dindon et les quatrains de Pibrac. On connaît bien en général cette scène dont nombre de biographes ont utilisé en ne retenant en général que la Gaule et surtout les Dindons. Cela pour marquer la bassesse de la condition dont Madame de Maintenon s'extraira par sa remarquable ascension. En réalité, cette scène prend place dans un entretien de 1703 avec les demoiselles des deux grandes classes, donc les jaunes et les bleus, et dont le but est de montrer aux fillettes, aux jeunes filles, le privilège que représente l'éducation de Saint-Cyr, dont elles déplorent parfois la dureté. Voilà donc, je vous livre la peinture, Madame de Maintenon enfant, sans doute à Murset, on peut le penser. On nous plaquait un masque sur notre nez, car on avait peur que nous ne nous hâlassions. On nous mettait au bras un petit panier où était notre déjeuner avec un petit livret des quatrains de Pibrac dont on nous donnait quelques pages à apprendre par jour Avec cela, on nous mettait une grande gaule dans la main, et voilà les fameux dindons, et on nous chargeait d'empêcher que les dindons n'allassent où ils ne devaient point aller. Ce n'est donc point ici la misère sociale qui est peinte, mais plutôt la misère éducative. Il faut surtout comprendre cette scène comme la dénonciation, justement, d'une misère éducative des filles, de ce que l'on pourrait appeler leur non-éducation. On y lit le simple souci de l'apparence des filles à éduquer, on ne se préoccupe que de leur teint, hein, qu'il faut préserver. Dans un autre entretien, il sera question d'ailleurs de la gouvernante qui, je cite, « a grand soin de vous parer pour aller en compagnie où il faut que vous soyez comme une petite poupée ». Mais la scène ainsi reconstituée insiste aussi sur la maigre nourriture intellectuelle et le terme de « petit livret » montre à quel point elle est restreinte, cette nourriture, hein, présente dans le petit panier, est finalement assimilée à une simple subsistance, puisqu'elle y côtoie d'ailleurs le déjeuner. Les termes chez Madame de Maintenon ne sont jamais anodins, je crois qu'on l'a vu ce matin, hein. Elle est professeure de style, mais elle est elle-même extrêmement économe des termes qu'elle emploie. Donc les mots petits ici ont une force que je ne crois pas surinterpréter. Rappelons que le recueil gnomique de Pibrac, qui a connu une grande faveur et qui est d'ailleurs souvent, du point de vue éditorial, associé à des civilités dans les éditions pour les enfants du XVIIe siècle, constitue un savoir minimal, l'un de ces rudiments dont sont faites les éducations les plus ordinaires. Il s'agit donc ici d'une dénonciation de cet état. Enfin, dernier point à signaler, la scène dessinée révèle les limites de la consigne d'apprentissage posée aux deux fillettes, je recite à nouveau, hein, des pages à apprendre par cœur. Cette vision mécanique et restreinte de l'apprentissage à destination des filles réapparaît d'ailleurs dans un autre entretien où Madame de Maintenon évoque encore ses pseudo-éducations. Elle parle des gouvernantes, et voici ce qu'elle en dit. Elle parle des enfants mal élevés par les gouvernantes. La plus habile est celle qui sait quelques lignes de vers, quelques cadrins de Pibrac, le voilà revenu, qu'elle fait dire en toute occasion et qu'on récite comme un petit perroquet. Cette première scène est emblématique parce qu'elle dessine en creux plusieurs traits qui caractériseront, qui constitueront des lignes de force de l'éducation maintenonienne. La première, selon moi, c'est la distinction entre savoir de surface et réelle appropriation du contenu enseigné. L'opposition entre une éducation qui part l'individu et une éducation qui le structure en profondeur. Dans cette visée, l'apprentissage par cœur peut même parfois se révéler non seulement peu efficace, mais même s'avérer tout à fait contre-productif. La consigne de ne pas se limiter à ces exercices de récitation réapparaît une dizaine d'années plus tard, en 1713, dans les conseils à Madame de la Vieilleville, dont nous avons entendu parler déjà ce matin, qui bénéficie des conseils de l'institutrice et qui importe d'ailleurs dans sa propre abbaye des pratiques de Saint-Cyr, dont celle des scénettes dramatiques que Madame de Maintenon a écrites et qu'elle fait jouer par ses pensionnaires. Voici ce que lui dit Madame de Maintenon. Votre confesseur est bien content des conversations, donc ces petites scénettes créées par Madame de Maintenon. Elles peuvent vous aider à former la raison des enfants. Mais souvenez-vous que les perroquets, les revoilà là aussi, apprennent tout ce qu'on leur veut sans l'entendre et que si vous n'expliquez aux enfants ce que vous leur apprenez, ce sera un temps perdu pour vous et pour elles. C'est l'expérience de Madame de Maintenon qui lui fait souligner constamment ce point. Une expérience de l'écart entre la parole délivrée par l'enseignant, par le prédicateur, et sa bonne réception par l'élève, celui qui écoute. Et cette expérience est très concrète et on la découvre déjà dans une expérience qui n'est pas celle de Saint-Cyr, de l'éducation à Saint-Cyr, mais dans l'expérience de la catéchèse dans les années 1680 à Avon. Et Madame de Maintenon est là, fait son catéchisme au jeune public présent et elle y découvre à quel point le public est peu réceptif en contrôlant la réception du message qu'elle a essayé de transmettre. À un moment, elle pose une question à un jeune garçon hein, à qui elle a essayé d'expliquer les commandements de Dieu et en particulier celui qui défend le vol. Et elle lui dit « Entendez-vous bien ce que vous dites, les biens d'autrui, tu ne prendras ». Donc, ce commandement-là, elle essaye d'en vérifier la bonne réception. Voyez-vous bien qu'il est défendu par là de rien prendre ? Et quand, par exemple, vous allez dans la forêt et qu'au lieu de remporter que le bois sec, comme il vous est permis, vous en prenez aussi de verre, c'est volé. Ne vous a-t-on point dit cela ? Non, dit le jeune garçon. On m'a dit seulement que c'était péché mortel quand on était trouvé par les gardes, mais qu'il n'y avait que péché véniel quand on ne l'était pas. Bon, alors c'est un petit exemple, mais tout le catéchisme fait à Avon ne cesse de buter, je dirais, sur cette réception très aléatoire des textes et des commandements. Les limites de la récitation engagent donc un impératif pédagogique, la vérification constante de la réception des textes, et ça c'est une ligne de force de la pédagogie maintenonienne. Vérification constante de la réception en profondeur du texte lu, du texte entendu, puis appris. Je passerai vite ici sur les techniques de vérification. Je renvoie à l'article que j'ai fait dans l'ouvrage sur l'entretien dirigé par Agnès Cousson et paru récemment chez Garnier Flammarion. Et j'ai essayé d'y montrer à quel point dans les entretiens avec les demoiselles, Madame de Maintenon utilise de multiples stratégies pour vérifier justement la bonne réception de ce qu'elle essaye d'enseigner. Et la nécessité de cette pratique est constamment rappelée aux dames de Saint-Louis, en même temps qu'elle s'accompagne d'une incitation à ajuster le discours tenu au jeune public, à commencer par le langage dans lequel cet enseignement est tenu. Alors on connaît cette citation souvent rappelée, hein, où elle s'adresse à une dame de Saint-Louis qui enseigne aux jeunes demoiselles. « Je trouvais encore que vous étiez trop éloquente. » Par exemple, vous dites qu'il fallait faire un divorce éternel avec le péché. Cela est vrai, et bien dit. Mais je ne crois pas qu'il y ait trois filles dans votre classe qui sachent ce que c'est qu'un divorce. Soyez simple, nous retrouvons le terme, et ne songez qu'à vous rendre bien intelligible. Le contrôle de la réception de l'enseignement par les élèves est donc au cœur de la pédagogie maintenonienne, et elle suppose aussi une sorte de dialogue constant entre l'enseignant, un dialogue dirigé bien évidemment par l'enseignante, mais un dialogue constant entre l'enseignant et les élèves, avec des demandes de reformulation, d'illustration du propos tenu qui permettent de vérifier sa compréhension. Le texte des entretiens, justement tel qu'il a été transcrit, hein, sert de modèle de cette pratique pour les enseignantes. Le processus dialogique est donc ainsi placé au cœur de l'apprentissage dans la pratique maintenonienne. Et ce primat du dialogique est aussi illustré, je viens à ma seconde scène d'enfance, par une autre scène autobiographique très importante. C'est celle que j'intitule « La dispute fraternelle autour de Plutarque ». Deuxième scène emblématique, donc racontée également dans un entretien, la dispute de Madame de Maintenon et de son frère, donc Charles d'Aubigné, autour d'une lecture partagée, celle de Plutarque. Je n'ai jamais été que 3 ans avec ma mère, et je me souviens qu'elle me défendit à mon frère et à moi de parler entre nous d'autre chose que de ce que nous lisions dans Plutarque. C'est un livre où sont contenus les faits des grands hommes et des femmes, qui se sont distingués par leur vertu ou quelque action mémorable. Nous ne finissions d'en parler. Après avoir lu, voilà l'important, nous étions toujours à comparer les faits des uns et des autres. Une telle femme, lui disais-je, c'est plus signalée qu'un tel homme, elle a fait telle et telle chose. Mon frère me prouvait que son héros était plus merveilleux. Cette belle action, me disait-il, est de lui. Et je courais vite regarder dans mon livre s'il n'avait rien à opposer à ce qu'il disait. Nous soutenions bien l'un et l'autre notre parti fort vivement. Cela nous divertissait beaucoup. Et depuis que ma mère nous eut défendu de parler d'autre chose, nous y mîmes tout notre plaisir, bien loin de regarder cette espèce d'assujettissement comme fâcheuse et pénible. Alors, bien sûr qu'il y a une façon de retourner la contrainte, hein, mais je voudrais garder dans cette scène ce qui modélise en fait un mouvement d'appropriation du texte par les deux enfants. La lecture de Plutarque ne prend ici sa valeur que par l'approfondissement qu'implique le débat pour hiérarchiser les actes des grands hommes évoqués. Comme on le voyait pour la récitation, la lecture ne prend sa vraie dimension que lorsque le texte devient l'objet d'une réflexion. Ce souvenir d'enfance est d'ailleurs totalement parallèle à la préconisation de Fénelon dans son traité d'éducation des filles lorsqu'il évoque la manière de favoriser la réception du texte biblique. Voici ce qu'il en dit. Il ne serait pas montré en passant les aventures délicieuses de Tobie et de Judith, d'Esther et de Daniel. il ne serait pas inutile de faire déclarer les enfants sur les différents caractères de ces saints pour savoir ce qu'ils goûtent le plus. L'un préférerait Esther, l'autre Judith, et cela exciterait entre eux une petite contention qui imprimerait plus fortement dans les esprits et formerait leur jugement. Donc il y a là un total parallélisme. La joute, finalement, ainsi pratiquée autour du texte, est d'ailleurs ce qui, aux yeux de Fénon, permet de faire apparaître le raisonnement de l'enfant, c'est-à-dire ce qu'il a en tête quand il est en train de lire le texte et ce qu'il en comprend. Deuxième chose que je voudrais tirer de cette scène, également autobiographique, dans cette scène, les termes comme comparer, soutenir, opposer, parti, placent clairement l'échange sous le signe d'une dispute, au sens de la disputatio, hein, qui nécessite argumentation, recherche de la preuve. Elle présente une situation de débat intellectuel qui associe plaisir et développement de la faculté de juger. Et cette joute enfantine offre en même temps une sorte de modèle réduit de nombreuses pratiques mondaines de débat qu'a aussi expérimenté celle qui était alors Madame Scarron et qui irrigueront à leur tour les pratiques orales saint-cyriennes. Opérer des distinctions, hiérarchiser, argumenter des choix sont des compétences requises, par exemple, dans la pratique des questions galantes ou dans l'art de faire des définitions qui sont au cœur de beaucoup de pratiques dans les salons. Et dans les textes de Saint-Cyr, on trouve tantôt Madame de Maintenon elle-même en train de délivrer ses distinctions aux demoiselles. Voilà ce qu'elle dit à propos du secret. Hein. Ce sentiment est plus naturel que généreux, car révéler un secret que l'on vous a confié est une trahison. Si vous dites le vôtre, ce n'est qu'une imprudence. Si vous le placez mal, tant pis pour vous, c'est une indiscrétion. Mais le secret qu'on vous a confié est un dépôt qui doit être sacré. Donc c'est l'art de la nuance et de la distinction subtile entre les termes. C'est elle qui s'y exerce, mais bien sûr que ce sont aussi les demoiselles qui s'y livrent. Voici un extrait d'une conversation, donc ces petits textes dramatiques créés par Madame de Maintenon, où les jeunes filles vont se livrer à la même, au même travail d'ajustement des définitions. Éléonore, vous ne croyez donc point qu'il y ait de différence entre l'esprit et la raison ? Sophie, croyez-vous ces distinctions bien divertissantes ? Olympiade, elles sont au moins très utiles. Célestine, achevez, mademoiselle, de nous éclairer sur cette différence. Éléonore, qui détient le savoir. Je crois que l'esprit est une lumière vive, brillante, qui paraît, qui divertit les autres et soi-même, mais qui ne nous rend pas plus sages ni plus heureuses. Olympiade, et la raison ? C'est ce qui règle et dirige notre conduite, qui nous rend aimables pour les autres, qui nous fait voir les choses comme elles sont, et là on a une définition de la raison maintenonienne très importante, qui résiste aux passions, aux préventions, qui nous fait surmonter nos faiblesses et souffrir celles des autres. On retrouve là ce qui était dit sur le mariage, hein, et la raison c'est de supporter le mari lorsqu'il le faut. Je saute un petit passage de cette conversation. Brigitte. Qu'on essaye d'enrôler dans la conversation. Oh, vous me feriez plaisir de me laisser en repos. Elle n'a pas du tout envie de se livrer à ces distinctions fines. Faustine, ces demoiselles nous veulent rendre de beaux esprits. Célestine, non, mais des filles raisonnables. Olympiade, tout le monde n'a pas votre mérite, mademoiselle. Bon, alors, je vous l'ai lu parce qu'en même temps, on entend typiquement ce que j'appelle la voix enfantine, hein, dans ce texte, avec les comportements enfantins de résistance au fait de faire des choses ennuyeuses, etc., en même temps qu'il y a effectivement ce débat autour de questions qui sont des questions importantes et sérieuses. En même temps que le processus de définition progresse par le dialogue, Madame de Maintenon fait aussi entendre la voix de fillette réticente, railleuse, et ces dialogues fictionnels entendent donc ainsi favoriser l'appropriation du contenu didactique en favorisant bien sûr l'identification des jeunes actrices ou lectrices avec des personnages enfantins qui ont des conduites, des comportements proches des leurs. On trouve aussi des échos de ces voix enfantines, j'ai cité ici les conversations, mais dans les proverbes. Et j'en cite un, le proverbe intitulé « Entre deux vertes, une mûre ». C'est une mimésiste langagière des échanges frivoles entre jeunes filles. L'une, « Vous avez là un joli damas !» Je vous passe les noms des jeunes filles. Hein. « N'est-il pas vrai ? J'aime tant le bleu. Oh, et moi le vert ! Mais on ne veut pas m'en donner. Avez-vous été vous promener ? Oh, nous n'allons guère qu'à l'église. » Je m'y ennuie, je regarde tout le monde. Il y avait hier une fille dont le rayon en avait plus de 4 doigts par-dessus le mien. Oh, et moi, j'en ai vu une qui n'avait rien sur elle qui ne fût prête un taille. Aimez-vous cette mode-là ? Oh, tout à fait, je sais bon gré à celle qui a inventé les falbalas. Oh, qu'ils sont jolis ! Sont-ce les princesses de la cour qui ont inventé ces modes-là ? Etc, etc. Cet art de faire entendre les voix enfantines hein, à travers leur comportement, mais aussi leur mode d'expression. Ici, on a cette espèce d'excitation hein, des jeunes filles autour de ces questions de mode, a déjà été expérimentée par Madame de Maintenon dans les œuvres d'un auteur de ses temps, hein, les œuvres diverses, où elle a manifesté dans la façon dont elle a rédigé en sous-main les lettres du jeune duc du Maine, hein, où elle a manifesté cette très grande capacité à faire croire à une écriture justement enfantine. Alors je donne juste un extrait, je ne sais pas du tout où j'en suis. Si vous saviez, madame, alors c'est le duc du Maine qui est censé s'exprimer, hein, donc un enfant de 7 ans. Comme je suis affligée de ne plus faire d'alpiou, c'est-à-dire un jeu de cartes, hein, avec le roi et vous ne pourriez résister à l'ennui de votre petit mignon. Vous feriez une charité de m'envoyer chercher ma belle madame, car je serais fort aise d'être toujours à la cour. Nous jouons tous les jours à ces petits jeux d'esprit qui sont de votre connaissance. Votre grosse toutou, alors c'est le surnom de Mademoiselle de Nantes, en est, mais elle joue si tristement que l'on dirait qu'elle apprend l'espagnol. Adieu, ma chère enfant. Je parie contre madame de Maintenon que vous en... Bon, je vais passer tout ce passage-là, et ça se termine. Je baise, on passe au tutoiement, je baise tes mains de tout mon cœur, ma belle madame, à mon cher cœur. Donc, cette lettre est un modèle, finalement, hein, où Madame de Maintenon montre son aptitude à saisir des formulations enfantines, en même temps qu'elle y fait passer des compliments, bien sûr, qui ne sont sûrement pas ceux que pourrait formuler l'enfant qui est censé être l'auteur de la dite lettre. De cette scène, je tirerai un troisième enseignement, c'est le fait, une pratique forte à Saint-Cyr, hein, c'est celle de faire raisonner, hein, raisonnement, à partir de tout. Et le fait qu'à Saint-Cyr, finalement, on assiste à une annexion des pratiques et des contenus très générale à la sphère du raisonner, du discuter. Si l'on revient à la scène fondatrice de la dispute fraternelle, dans laquelle la lecture devient objet de débat, de réflexion, d'argumentation, on verra à Saint-Cyr que cette conception s'élargit aussi à l'utilisation du jeu et d'autres, et aussi à celle des pratiques dramatiques et celle des pièces de théâtre qu'on joue. Elles sont ensuite l'objet de commentaires, de discussions. Elles ne sont pas, en tant que telles seulement, utilisées comme pratiques. Et je voudrais juste faire un petit point sur les petits jeux de langage dont le duc du Maine évoquait tout à l'heure, parce que, justement, j'ai essayé d'en faire une petite liste. Là, j'ai réussi à reconstituer ces jeux d'esprit. Hein. C'est assez intéressant de voir ces jeux de langage qui sont proposés aux fillettes. On en trouve des recueils dans les inventaire des classes, mais je n'en ai jamais trouvé aucune trace matérielle. En revanche, avec des indices, j'ai réussi à retrouver quand même quelques-uns de ces jeux dans la réalité. Ces jeux-là sont bons à mille choses. Quand vous jouez, par exemple, à « J'aime mon ami », vous dites, c'est le jeu, hein, « Je l'aime parce que, je l'aime parce qu'elle est douce, je la haïrais si elle était rude. » Donc, vous avez compris, c'est un jeu des contraires. Hein, il faut aimer pour une chose et haïr pour l'autre. Vous voyez par là que la rudesse est le contraire de la douceur. Je l'aime parce qu'elle est vigilante. Je la haïrais si elle était paresseuse. Cela vous donne occasion de réfléchir et de dire « Mais la paresse est-elle le défaut contraire à la vigilance ? N'est-ce point plutôt la lenteur, ou l'indolence, ou le manque de soin ? Chacun dit là-dessus son sentiment et prend son parti. » Puis vous appelez une maîtresse pour voir qui a raison, et cela ne peut que produire un bon effet. Alors, on a là un exemple hein, de cette façon d'utiliser le jeu, les activités ludiques, pour les ramener vers la pratique, là aussi, de l'apprentissage sérieux et raisonné. J'avais demandé qu'on me... Ça va ? Bon. Donc, en fait, ce qui est très important à travers ces exemples, hein, c'est aussi de voir que dans cette scène emblématique, il y a un dernier procédé très important qui sera aussi au cœur de la pédagogie maintenonienne, c'est qu'il y a une sorte d'émulation qui se produit entre le frère et la sœur. Le frère et la sœur se piquent de trouver des réponses, et l'émulation crée une dynamique que la pédagogie maintenonienne ne cessera d'utiliser comme ressort à l'intérieur de l'éducation à Saint-Cyr. Alors l'émulation, avec ses risques, bien sûr, parce que derrière l'émulation peut se profiler le risque de la vanité, de l'orgueil, l'émulation aussi avec son cortège de pratiques comme celle des récompenses. C'est une pratique très présente à Saint-Cyr, qui est présente d'ailleurs très tôt, parce que dès Rueil et Noisy, il est question d'apporter des prix, des petites récompenses pour les enfants. J'ai retrouvé un certain nombre d'attestations qui montrent que Madame de Maintenon envoie des colifichets, parle de 4 prix qui attendent les petites filles, etc. Donc ce n'est pas seulement à Saint-Cyr, mais c'est par une longue expérimentation de ces pratiques qu'elle a ainsi construit son projet. Alors, cette question de l'émulation, c'est aussi, dans la pédagogie saint-cyrienne, ce qui s'appuie sur, finalement, la psychologie aussi de l'enfant. C'est aller chercher chez lui ce qui peut être le ressort, le levier plutôt, d'un processus éducatif. Et entre autres, c'est faire appel à ce qui peut être sa sensibilité. Et je citerai ici une dernière scène emblématique que j'appelle celle de la maîtresse aimée. C'est une scène autobiographique également, où Madame de Maintenon évoque justement la force de l'attachement enfantin, mais aussi les effets vertueux de cet attachement. Je lis juste le début de cet extrait. « Je me souviens que j'ai aimé une de mes maîtresses, étant pensionnaire dans un couvent, à un point que je ne puis dire. Je n'avais pas de plus grand plaisir que de me sacrifier pour son service. J'étais fort avancée dans les exercices, de sorte que, dès qu'elle était sortie, je faisais écrire, compter, l'orthographe et jouer toute la classe. Et je me faisais un plaisir de faire tout son ouvrage sans qu'il me fallût d'autre récompense que celle de lui faire plaisir. » Alors, et puis là, c'est très long, donc je ne lis pas la suite, mais on voit là comment l'attachement enfantin, tout comme l'émulation, peuvent jouer un rôle moteur dont le pédagogue peut user à dessein. Et c'est ce que fera d'ailleurs Madame de Maintenon. Déjà, lorsqu'elle prend en charge les enfants adultérins de Louis XIV, et en particulier le jeune duc du Maine, dans la longue lettre de passation de pouvoir qu'elle écrit à Montchevreuil au moment où le duc du Maine passe aux hommes, on est dans une lettre du 23 janvier 1680, elle évoque ce ressort à utiliser avec l'enfant en disant « Il faut toujours le piquer d'honneur et vous souvenir de lui parler en tout et partout comme s'il avait 20 ans. Ne craignez point de vous familiariser avec lui, donc voilà, on retrouve l'idée de jouer sur l'attachement, etc., et de le caresser, autant que le respect et la bienséance le peuvent permettre. Il vous craindra assez dès que vous prendrez un visage sérieux. » Cette référence autobiographique, je dirais, essaime dans la pédagogie maintenonienne. L'enfant a besoin d'aimer, les enseignantes doivent y condescendre, mais en même temps, le recours aux affects mérite nuance et dosage. Et surtout, il doit être dominé par une finalité supérieure, celle de former l'enfant. Dans un entretien aux Dames de Saint-Louis, elle redit à nouveau qu'il est important, à propos des enfants, de s'en faire aimer pour acquérir un pouvoir sur leur esprit qui mette plus en état de les attirer à la vertu. On trouvera aussi, dit-elle, dans les mêmes maximes, que le plus sûr moyen pour parvenir à cette fin-là est de leur montrer toujours de la raison. Donc, la raison n'est jamais très loin du recours à la sensibilité. Une autre enseignante, caressez-les, toujours les élèves, caressez les plus imparfaites, elles ne vous gâteront point et vous pourrez les gagner. Donnez-leur de bonnes maximes sans qu'il paraisse que vous les instruisez, rompez le commerce entre elles sans qu'elles s'en aperçoivent, divertissez les mélancoliques, encouragez les lâches, excitez-les toutes et faites-vous toutes à toutes pour les attirer toutes. Donc ici, on voit bien que l'idée est celle d'établir une proximité, une relation entre l'enseignante et les enseignés qui soit de l'ordre, là aussi, de quelque chose qui est de l'ordre de l'affect et non pas seulement de l'ordre du didactique au sens strict et austère. de ce point de vue-là, cette conception rejoint, si on élargit tout d'un coup, hein, les conceptions qui sont aussi véhiculées à la même époque par des auteurs présents dans ce qu'on appelle le petit concile de Bossuet et qui intègrent les sens, les plaisirs, mais à des fins évidemment éminemment vertueuses. Cette expérience autobiographique qui fonde une conviction forte sur la place à accorder à la sensibilité affective dans le processus éducatif n'est pas une originalité maintenonienne. Donc, hein. À la même époque, Fénelon, bien sûr, mais aussi les auteurs qui gravitent autour du petit concile de Bossuet et qui participent de ce que Fabrice Preillat a caractérisé comme le double processus de christianisation des mœurs et des pratiques littéraires sous Louis XIV, avalisent cette idée. Il est possible de mobiliser l'émotion, la sensation, pour former un bon chrétien. Des réflexions sont engagées en ce sens, et Perrault s'en est fait l'écho dans la préface de son Saint-Paulin, hein, où il déclare « Il se peut faire aussi que des ouvrages de poésie, ou parmi le récit de plusieurs événements purement humains, la description des choses de la nature, etc., on aura inséré quelques sentiments de piété tendres et touchants, frapperont quelquefois davantage qu'un tissu perpétuel de réflexions morales et pieuses. » Et puis, je pourrais citer, bien sûr, aussi le catéchisme historique de Fleury, hein, qui dit également que des faits évidents, illustres, sensibles, permettront d'accéder à la doctrine chrétienne mieux que des raisonnements. Le terme, là aussi, s'oppose au premier. Donc, les voies du sensible à Saint-Cyr seront largement explorées, je vais très vite. La pratique du théâtre évoquée par Anne Piéjus tout à l'heure, théâtre donc commandé à de grands, de prestigieux auteurs, mais aussi le théâtre et composition dramatique à travers les créations de Madame de Maintenon elle-même, Proverbes et conversations. Et enfin, la commande de textes, alors non pas narratifs, adaptés aux élèves et susceptibles d'être lus, entendus et redits par eux. Et je voudrais citer ici l'un des auteurs auquel Madame de Maintenon a commandé des textes de ce type, c'est l'abbé de Choisy. Choisy a donc fait tout un travail de réécriture de certaines histoires de la cour sainte de Cousin pour répondre à la commande de Madame de Maintenon. Et vous allez voir comment le style qu'il utilise dans l'un de ses textes, dans l'un de ses petits récits, hein, qui s'intitule Placide, est un style susceptible justement de mettre en mouvement cette sensibilité des récepteurs et du coup de les amener à ce fameux sentiment moral et à cette élévation. Alors, c'est une scène où c'est un passage où il met en scène les malheurs de Théopistie. Elle eut beau crier, pleurer, en se voyant séparée de ce qu'elle avait de plus cher au monde. Le capitaine fut inflexible et la laissa pleurer. Placide la suivait des yeux. Le vaisseau, en s'éloignant, se cachait peu à peu sous l'eau. On ne voyait plus que le petit bout du mât. Et quelque temps après, Placide ne vit plus rien du tout. « Seigneur, s'écria-t-il, Seigneur, vous m'ôtez la moitié de moi-même, que votre volonté soit faite. » Il prit aussitôt son chemin vers une ville, qui était à 6 lieues de là, tenant de la main droite son fils aîné, qui avait 7 ans, et de la gauche son cadet, qui n'en avait que 6. Il rencontra une rivière. Il n'y avait point de pont. Il fallait pourtant passer de l'autre côté pour gagner un village où il voulait aller coucher. Ses enfants l'embarrassaient. Il prit enfin le parti de les passer sur ses épaules, l'un après l'autre, etc., etc. Je m'arrête là. On imagine aisément la réception sensible d'un tel texte. Et de là à penser que celui-ci élève leur sentiment moral, c'était une hypothèse qui permettait au moins de légitimer les charmes de la fiction. Comme toujours chez Madame de Maintenon, la concession à ce plaisir s'accompagne d'un certain utilitarisme, habilement rappelé. Elle écrit un moment à une des enseignantes qui a décidé de transposer ce texte pour le faire jouer par les élèves dans les classes. « J'ai parcouru Placide, je l'ai parcouru parce que j'ai une guerre de loisirs, il me paraît fort bon. » Ces sortes d'amusement aussi, je comprends bien qu'ils vous font connaître l'humeur de vos filles. Donc, là aussi, faire jouer, c'est aussi, et faire interpréter le texte, c'est aussi contrôler la réception du texte par les élèves. Vous voyez qu'on n'est jamais en totale liberté avec Madame de Maintenon. Alors, je terminerai cette communication par une double question. La pédagogie maintenonienne, une pédagogie moderne, une pédagogie modèle, pédagogie moderne. Paradoxalement, je dirais oui, mais moins par les pratiques en tant que telles. Le théâtre est déjà utilisé par les jésuites. L'enseignement mutuel est également utilisé dans d'autres ordres éducatifs. Donc, en fait, ce ne sont pas des nouveautés. Ce n'est pas ça qui résout le monde moderne. C'est moins moderne par ces aspects-là que par le souci qui affleure constamment chez Madame de Maintenon de prendre en compte ce qu'est l'enfant, sa psychologie, et d'en faire des ressorts pour le former, par l'effort aussi qu'elle fait pour proposer des contenus, des activités à hauteur d'enfant. Cette conception est faiblement théorisée et elle relève beaucoup d'un empirisme. Elle est au croisement entre ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire la mémoire autobiographique et les nombreuses expériences de contact ultérieur avec des enfants dans toutes les dimensions possibles. Et ça, c'est une originalité de Madame de Maintenon. Depuis le quotidien le plus matériel, du soin à donner aux enfants, jusqu'aux entretiens proprement parlés éducatifs. Cet alliage original d'un vécu enfantin médité, relayé par l'apprentissage de la vie mondaine, étayé par des savoirs pratico-pratiques sur l'enfant, fournit de nombreuses ressources et est justement au fondement de nombreuses pratiques saint-cyriennes. On peut penser qu'il est difficilement imitable, car tout cet alliage résulte des nombreuses strates de la vie de Madame de Maintenon, qui peut en dire autant. Pédagogie modèle. Je disais que celle-ci n'est pas théorisée. Elle se caractérise surtout par l'ajustement à l'interlocuteur, à l'élève, en recourant à des capacités d'adaptation, à cet aptout mondain, qui sont largement issues des pratiques justement mondaines qu'a pu connaître Madame de Maintenon. Ce sens de l'adaptation à l'interlocuteur qui permet de décliner la règle éducative, de trouver le juste registre de son application, peut-il être compensé, quand on n'a pas d'expérience mondaine, par la précision des règles, la précision des conseils pratiques, les exemples de cas donnés aux enseignantes? On voit bien que l'adaptation à la situation requiert une finesse des capacités que les nombreux conseils qu'elle donne aux dames de Saint-Louis auront néanmoins du mal à faire essaimer dans leur propre pratique. Des émules, des immutateurs, on a souvent parlé du modèle saint-cyrien, mais il me semble que pour toutes ces raisons, il sera difficile de transmettre son esprit. Cette synthèse originale entre mondanité, morale chrétienne, savoir-faire pratico-pratique. Les continuateurs retiendront des fragments. Jean Lys parle par exemple de l'enseignement mutuel, c'est ça qui la frappe beaucoup à Saint-Cyr. Également, elle parle beaucoup de la formation domestique qui est enseignée aux demoiselles. Catherine II retiendra l'idée de la pratique théâtrale, mais en appointant des auteurs. Madame Campan, les maisons de la Légion d'honneur retiendront bien des pans fonctionnels de l'institution, le principe de l'émulation. Mais paradoxalement, je me demande si ce n'est pas plutôt dans l'ordre du littéraire que l'on trouve les traces d'une influence durable et profonde, avec justement la représentation de ces dialogues enfantins, de cette voix enfantine, première voix de fillette saisie ou reconstruite au naturel, que le théâtre d'éducation du XVIIIe, puis du XIXe siècle, continueront à mettre en scène. Je livre cette hypothèse à mes collègues historiennes et qui se sont beaucoup préoccupées des suites éducatives de Saint-Cyr. Voilà, je la mets en débat. Je vous remercie.